Épilogue par Fernand Chabert, président de Unity Foundation. Avec le recul des années, j'avoue apprécier encore davantage l'initiative amicale de Jean-Marie qui m'avait offert la chance de consulter ses paroles de sagesse. Il les avait collectionnées au cours des années en tant qu'enseignant, mais une édition publique sous forme de livre n'était pas encore une priorité sur son agenda chargé. En tant que jeune père, j'étais particulièrement reconnaissant d'y avoir accès, surtout que j'étais à l'époque à la recherche d'histoires de sagesse pour stimuler l'éveil de la conscience de notre fille. Ces histoires transmettent des valeurs, des vertus et des normes sociales qui ont un impact sur la façon dont les enfants perçoivent la réalité. Mes espérances étaient ambitieuses et pourtant je reconnais que ces paroles de sagesse ont enflammé l'âme de notre fille tout en cultivant ses capacités à former une pensée divergente. Quand les enfants entendent ces histoires qui racontent la vie d'autres enfants ailleurs dans le monde, ils apprennent à élargir leur horizon de pensée et à se connecter mentalement à des contextes différents du leur tout en développant leur empathie. Je me rappelle les yeux émerveillés de notre fille quand ses sagesses partagées me permettaient de l'accompagner pendant ses premières explorations philosophiques. La plupart de ces histoires ne dépassent pas une page et vous laissent ainsi tout l'espace de réflexion et la liberté d'interpréter entre les lignes les messages cachés par les auteurs, souvent inconnus. Reste à préciser que ces paroles de sagesse ne s'adressent pas seulement aux jeunes, loin de là, et certainement que vous relirez ce livre plus d'une fois. Jean-Marie combine la joie littéraire à une bonne cause en dédiant une partie des recettes de la vente de cet ouvrage au projet d'éducation dirigé par Unity Foundation. Merci beaucoup au nom de tous les bénéficiaires et excellente lecture.